Salut, salut, comme tous les dimanches sur le 100FM Radioactive, c'est Lost in Space, votre rendez-vous rock, punk, musiques expérimentales diverses et variées. Et aujourd'hui, c'est la troisième partie de cette belle rencontre qu'on a eue avec Dominique et Erwin, les chroniqueurs et fondateurs de Force Parallèle. Nous allons donc diffuser la toute dernière partie de notre discussion, plutôt amicale comme vous avez pu le constater deux premières fois. Alors ça ne dure pas deux heures, ça a duré presque une petite heure et après on enchaînera sur nos obsessions et lubies habituelles, plutôt punk rock. Allez, c'est parti. Bah, là aussi, ça m'énerve un peu. J'ai encore remis au même discours, c'est mon leitmotiv dans l'émission. Les jeunes n'écoutent pas Motorhead, c'est ça que tu veux dire? Non, mais attends, on était combien à écouter Motorhead dans les années 80? Non, honnêtement. Dans le métal, oui. Quelques punks aussi, je m'en rappelle. Voilà, c'était le seul groupe encore de quelques punks disaient. Je ne peux pas proposer au moins qui écoute la nuit. Maintenant, Lemmy est mort. Lemmy est mort. Ah, tout le monde en fait un et un saint. Ouais, voilà, c'est là où je veux en venir. Tout le monde dit ah, Lemmy est mort, c'était un grand artiste, etc. Et c'est devenu une mode, voilà. Alors que les gens, ils parlent de Lemmy, mais ils n'écoutent jamais les disques de Motorhead. Ils ont des t-shirts. Voilà, c'est le merchandising, c'est comme les Ramones. Hein. Alors, à propos des Ramones, justement, l'autre fois, on parlait. Il y avait une de mes étudiantes un jour qui avait un t-shirt des Ramones. Oui, moi, j'ai des c'est comme un imbécile. Ah, oh, mais magnifique, je les ai vus en 91. Oui, je connais pas parce que c'est mon t-shirt. voilà. Et donc, c'était un mythe qui s'écroule. Mais pareil, j'ai une classe. Bon, moi, je suis professeur en lycée professionnel. Il se trouve que j'ai des élèves. Trois élèves qui arrivent au début de l'année. Hein, il fait encore chaud. Des t-shirts, un qui avait les Who, un autre Kiss, et un autre et une fille qui avait les Ramones. Ah, j'ai dit super comme classe. En fait, non. C'est comme tu dis, c'est la mode. Donc, c'est les gamins qui écoutent du rap, tout ça, et puis en même temps, ils ont des t-shirts. La mode. Vous vous rendez compte que les Ramones et Motorhead sont de la mode vestimentaire. Enfin, je vous dis, il y a un problème aujourd'hui. Hein. C'est ce qu'on appelle le post-modernisme, la perte des signes. Oui. Oui, ça, c'est pas mal. Ça. On va élever un peu le niveau, des fois. Ouais, on est au niveau, ouais. Ouais, voilà, alors moi je voyais We Are The Road Crew, ça m'a fait délirer cette chanson. We Are The Road Crew, c'est un bordel, un joyeux boxon. Ben voilà, c'est un boxon, bon ça part des Roadies, ça, quand il était Roadies, LMI, entre autres de Hendrix, mais il n'a pas été que de lui. Tu veux We Are The Road Crew? Ouais, We Are The Road Crew, parce qu'elle synthétise justement ce côté heavy, mais punk. C'est rapide, elle est, voilà, et je pense que ça allait... Les punkeux et les hard rockeux, ils vont s'entendre sur ce titre, je crois. Voilà. We'll be right back. Là aussi, ça m'énerve un peu. J'ai encore remis au même discours. C'est mon leitmotiv dans l'émission. Les jeunes n'écoutent pas Motorhead, c'est ça que tu veux dire? Non, mais... Attends, on était combien à écouter Motorhead dans les années 80? Honnêtement. Non, dans le métal, oui. Quelques punks aussi, je m'en rappelle. Voilà, c'était le seul groupe encore de quelques punks disaient. Tu ne peux pas proposer aux mecs qui écoutent la nouvelle. Maintenant, Lemmy est mort. Lemmy est mort. Ah, tout le monde en fait un et un saint. Voilà, c'est là où je veux en venir. Tout le monde dit ah, Lemmy est mort, c'était un grand artiste, etc. Et c'est devenu une mode, voilà. Alors que les gens, ils parlent de Lemmy, mais ils n'écoutent jamais les disques de Motorhead. C'est pas qui c'est, ils ont des t-shirts. Voilà, c'est le merchandising, c'est comme les Ramones. Alors, à propos des Ramones, justement, l'autre fois, on parle. Il y avait une de mes étudiantes un jour qui avait un t-shirt des Ramones. Oui, moi, j'ai des élèves. Comme un imbécile. Ah, mais oh, magnifique, je les ai vus en 91. Moi, je connais pas parce que c'est mon t-shirt. Voilà. Et donc, du coup, c'était un mythe qui s'écroule. Mais pareil, j'ai une classe. Bon, moi, je suis professeur en lycée professionnel. Il se trouve que j'ai des élèves. Trois élèves qui arrivent au début de l'année. Il fait encore chaud. Des t-shirts. Un qui avait les Who, un autre Kiss, et un autre et une fille qui avait les Ramones. Ah, j'ai dit super comme classe. En fait, non. C'est comme tu dis, c'est la mode. Donc, c'est les gamins qui écoutent du rap, tout ça, et puis en même temps, ils mettent des t-shirts. La mode. Vous vous rendez compte que les Ramones et Motorhead sont de la mode vestimentaire. Enfin, je vous dis, il y a un problème aujourd'hui. Hein. C'est ce qu'on appelle le post-modernisme, la perte des signes. Oui. Oui, c'est pas mal. Ah, ouais. On va élever un peu le niveau, des fois. Ouais, on élève le niveau, ouais. Ouais, voilà, alors là, moi je voyais We Are The Road Crew, ça me fait délirer cette chanson. We Are The Road Crew, c'est un bordel, un joyeux boxon. Ben voilà, c'est un boxon, bon ça part des roadies, ça, quand ben il était roadies, LMI de entre autres de Hendrix, mais il n'y a pas été que de tu lui. Tu veux We Are The Road Crew. Ouais, We Are The Road Crew, parce qu'elle synthétise justement ce côté heavy, mais punk. C'est rapide, elle est, voilà, et je pense que ça allait... Les punkeux et les hard rockeux, ils vont s'entendre sur ce titre, je crois, voilà. Continue. Ouais. Bon, allez. Cannes. Alors, Cannes, Tago Bago, ouais, ça, c'est aussi, bah, c'est toujours pareil. J'ai découvert ça par O'Queen. Et c'est le premier groupe étiqueté crotrock. J'aime pas trop l'expression crotrock, ça doit rien dire. Ça s'appelle passer du coq au Cannes, quand même. Hein. Putain. Non. On fait un grand écart. Là, non, entre O'Queen et Cannes, il y avait le côté cosmique, space rock. Voilà. Et donc, toujours pareil. Puis en même temps, durant ma période proto-punk, tu passes par Cannes à un moment. C'est ce Cannes, que ça veut dire, groupe... krautrock, en fait. Rock choucroute, c'est ça, voilà, ouais. Donc, j'aime pas le terme. C'est humiliant, en fait, en carrément humiliant. C'est comme si on disait... Comme si on appelait rock français, rock baguette. C'est un peu ça. On a l'air de quoi? Alors voilà, on va dire métal urbain, du rock baguette. Bon, alors, revenons à Cannes. Oui, le Bacan, c'est un groupe essentiel. Hein. C'est un groupe qui a influencé des tonnes d'autres courants, plein de courants. Un groupe phare de cette vague que j'aime pas le terme grand rock, on est d'accord. Mais pas seulement, ils ont influencé la New Wave. Ian Curtis était un fou de Cannes. Ils ont influencé des groupes post-rock, des groupes noise, des groupes alternatifs au sens général. J'ai découvert ça parce que par O'Queen. O'Queen, il faisait des trucs bien planants. Puis un jour, je ne sais plus comment ça s'est passé, bah, toujours pareil, en chinant dans les marchés aux puces ou alors chez un disqueur avec des disques soldés, j'allais dire, je tombe sur un Cannes et voilà, donc ça m'a beaucoup marqué. Pour le côté d'abord, ce qui m'a interpellé, c'est le côté space rock de Cannes. Et après, j'ai vu qu'il n'y avait pas que du space rock dans Cannes, il y avait aussi des trucs garage, par exemple, surtout le premier album, et des côtés un peu jazzy, tordus, voilà. Donc, ça m'a mis un peu sur la voie du rock expérimental Cannes, avec les Residents aussi quand même. Il y a eu les Residents, voilà. Il y a deux groupes comme ça qui m'ont fait explorer tout ce qui était expérimental. Tu vois, c'est marrant parce que la scène krautrock, c'est quand même très très particulier. Moi, je n'avais absolument pas connaissance de la scène allemande jusqu'à il y a fort peu de temps. Hein. J'ai découvert la scène allemande en bossant sur Force Parallèle, parce qu'il y avait des spécialistes de kraut. Mais je ne connaissais rien, quoi. J'avais entendu, évidemment, bon, si on accepte Tangerine Dream, mais Cannes, Neuil, ouais, j'avais Faust. Oui, Faust, bon, Faust un peu, ouais, c'est vrai. Faust, après, mais tu fais pas le lien avec la scène Krautrock, pour moi, c'était un avatar. vaguement psyché de, de... Et pourtant. Mais ouais, oui, oui. Et en fait, tu après, tu constates avec effarement, si tu veux, que toute cette scène existe, qu'elle n'est qu'allemande, effectivement, et qu'elle est méga importante pour l'évolution de la musique. D'autant plus si on prend en compte le fait que nombre de spécialistes disent que la synth-pop descend carrément du krautrock. C'est quand même une énorme portion de la musique pop, hein, des années 80. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que les Allemands ont... Il y a aussi un problème, on va dire, historique, mais c'est que pendant longtemps, le krautrock, tout le monde avait oublié, hein, que ce soit tous les groupes dont on a cité, puis tous les autres, les Ashra Temple, Amon Jul et tout le temps. Et en fait, la synth-pop dont tu parles, en fait, elle descend d'un autre mouvement allemand qui est encore plus oublié. C'est ce qu'on appelait la Neue Deutsche Welle, avec le label Zigzag qui avait sorti des milliers de disques, mais des trucs à tomber par terre, et qui ont inventé effectivement cet aspect pop à deux balles avec un pauvre synthé sautillant et faussement niais. Il y a des trucs fabuleux. Andy Giorbino, ou après il y a plein de choses. Et ça, c'est... Et tu rattacherais DAF à ça ou... Alors, DAF, ouais. Non, ils étaient encore à part, eux, en fait. Ouais. Mais non, c'était le label Zigzag qui a fait tout ça. Et le seul groupe de cette vague-là qui a eu un peu de succès, c'était Ideal, qui avait fait des hits avec Blau Augen, on en passait un morceau. Mais sinon, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Mais par contre, tout le monde a oublié la Neue Deutsche Welle. Bah, si ce n'est que malgré tout, on peut dire que Rammstein hérite en fin de compte de l'appellation. Oui. Puisqu'il est souvent référencé en tant que tel. Alors pourtant, musicalement, ça n'a absolument rien à voir. Quoi. D'accord. C'est complètement, complètement différent. Et puis en plus, Rammstein, c'est pas tout. Ouf. Ou quand même FDM. C'est un peu mieux. Alors du coup, on passe à quoi maintenant? Puisqu'on parlait de krautrock, alors un groupe, les Japonais. En matière de trucs un peu dingues, je crois que les Japonais sont allés très loin. C'est les leaders. Ah ouais. Que ce soit le psychédélisme japonais que j'ai découvert il n'y a pas très très longtemps, en fait, il y a quelques années. Voilà, je suis tombé sur des groupes complètement fous. Puis un de mes groupes fétiches, alors eux, je les connais depuis début des années 90, c'est les Boredoms. Les Boredoms, c'est pareil, c'est... je pensais que les Bottle Surfers... non, je parle dans... Dans le format rock, je pensais que les Bottle Surfers, c'était le groupe le plus extrémiste, le plus dingue que je connaisse. Il y avait encore plus dingue du côté des Japonais, avec donc ces fameux Boredoms. Et là, pareil, des souvenirs qui reviennent. La première fois qu'on a écouté ça, on était chez des potes à Aix. Un immense éclat de rire. On s'est dit, mais c'est pas possible, les Japonais. Et j'ai vu pas mal dans les années 90. Je traînais avec le fameux Philippe Petit, qui est une figure de Marseille... qui est une sommité en tout ce qui est musique un peu extrême, quoi. Alors, il fait des disques, il fait une carrière solo, ça marche bien pour lui, tant mieux. Et à l'époque, on allait voir avec lui tous ces groupes, on était branchés par ces groupes-là, à la friche de la Belle de Mai, on avait vu des groupes japonais, c'était pas les Boredoms, hein, il y avait d'autres groupes, il y avait les Ruins, des groupes comme ça, mais il y avait il se dégage de ces groupes, enfin, surtout à l'époque, des groupes, une folie que je ne trouve nulle part ailleurs. Alors là aussi, hein, le Boredom, il y a des influences multiples, il y a du krautrock dedans, même si j'aime pas le terme, et du psyché années 60 barré, la Cro-Magnon par exemple, ce genre. Il y a du hardcore, des trucs noise, c'est complètement chelou. Quoi. C'est Cro-Magnon, je suis pas proche du heavy quand même. Mais Boredom, je pense que c'est les descendants de Cro-Magnon. Hein, c'est vraiment... enfin, ils sont arrivés dans les années 80, hein, 90. Hein. Voilà. Et là, je pensais à Pop Kiss, le premier, parce qu'il est tellement fond d'art. Ça sonne bien. J-pop. On s'en fait un ou deux encore et puis... Ouais. Comment tu dis que ça s'appelle? Est-ce que vous voulez une bière? Moi, il faut que j'y aille après. Vous voulez pas me dire? Non, ouais. Comment tu dis que ça s'appelle ce truc? Boredom, comme l'ennui. Boredom, hein, Boredom. C'est japonais, ça? Ouais. Ils sont cons, ces japonais. Dans la noise japonaise, ça les merdes beau. Ouais, il y a merde. Voilà, ça c'est plus extrémiste. Ouais, c'est J-pop dans les. Fou furieux, écoute ça. Hop, ça c'est moi. Mais merdes beau, j'avais des cassettes. Ma belle fille, écoute ça. Ouais. Écoute merdes beau. Elle écoute la J-pop. Putain. Ah non, pas merdes beau. Non. Enfin, raisonnable. Ouais. On s'en fait un dernier alors, jeune Jean. Ouais, alors là, je trouve je sais plus, voilà, un disque de Jesus Lizard, un groupe noise rock, voilà, qui synthétisait toutes ces influences qu'on a dit. Voilà, ils sont arrivés avec la vague grunge, ils ont eu une petite notoriété parce qu'ils ont fait le split 45 tours avec Nirvana. Alors Nirvana était fou de tous ces groupes tordus, un peu noise rock. Jesus Lizard aussi, qui synthétisait les influences post-punk, hardcore. Puis sur scène, c'était assez démentiel, je les ai jamais vus. Je devais les voir à Marseille, mais ils sont pas passés. Chanteur David Yo, qui est un militant homosexuel, un peu comme on parlait de Scordu, on n'a pas parlé tout à l'heure, mais aussi pareil. Bob Mould aussi, gens qui... Et qui le revendique, et souvent dans le rock où il y a comme une imagerie machiste un peu ridicule. Ouais. C'est ce que j'aime pas dans Motorhead, pour être franc, c'est ce côté, c'est ce côté imagerie et qui est totalement, viril. Qui est totalement infondé, hein, puisque Lemmy est extrêmement peu machiste, et qu'il était très proche de Rob Halford, qui est quand même une icône gay aujourd'hui. Hein, Et puis très respectueux des femmes. Mais oui, très respectueux. Et même des... C'est pas Manowar. Mais très respectueux des homos. Mais Manowar, je t'interdis de parler ainsi de Manowar par le jouet de maillot, d'accord. Mais Manowar, non. Bon. Rose the Boss, un mec extrêmement tolérant. Ouais, non, le côté machiste qu'il y a dans le hard rock, moi aussi, ça m'a toujours saoulé. D'ailleurs, il y en avait un. Je suis comme Kurt Cobain, en fait, quand je vois le. Il est mort. Je suis comme Kurt Cobain. Oui, un peu. Non, là, le CV, la drogue en moins, je dirais. Un peu plus vivant. La drogue en moins. Quand tu dis l'histoire de Kurt Cobain, je parle de ses influences musicales, c'est un peu les miennes. Tu vois ce que je veux dire? Quand il faisait ses listes de groupes, ben, c'est pareil, moi aussi, sur mes cahiers d'écolier, je me faisais mes listes quand j'étais au lycée, mes listes de groupes. Il y avait de tout. Et t'aimes pas David Bowie? Il y avait de tout. Hein? T'aimes pas David Bowie? Ah, si, j'aime beaucoup. J'ai vu en concert à Toulon aussi. Après Serge Lama. Voilà, une nouveauté. Donc je crois à un titre de Jésus César, je te fais confiance. Fly on the Wall, qui est un des meilleurs sur Blue, sur celui d'après. Là, qui est... c'est vraiment un groupe qui est, à mon avis, fondamental et peut-être parmi les plus sous-estimés des années 90, en fait. Alors, c'est intéressant ce que tu dis, parce que Steve Albini, qui était leur pote, je crois qu'il a produit 2-3 disques de eux. Steve Albini, qui, je le répète, était leader, là aussi, on aurait pu parler de Big Black. Une grosse influence dans tous ces groupes noise. Steve Albini avait dit que, en entendant Jesus César, il avait dit que ce sera les futurs Led Zepp ou les futurs Stooges. On en parlera 25 ans après. Tu connais Jesus César, même dans les milieux rock, il n'y a pas beaucoup de personnes qui écoutent Jesus César, c'est dommage. Parce que c'est un groupe important, moi je pense, de la scène alternative hardcore, post-hardcore des années 90. Quoi. Tout à fait. Bon, jeunes gens, c'était un plaisir. Ben nous aussi. C'est un plaisir de partager ce moment avec toi. Et voilà, et je pense que ça va être un plaisir pour les auditeurs aussi. Et donc, je vous invite, si le cœur vous en dit, à ce qu'on refasse ceci de manière régulière, avec d'autres choses, parce qu'on n'a forcément pas eu le temps de traiter, ne serait-ce que le dixième de ce qu'on voulait dire, n'est-ce pas? Et ça nous fera encore plein d'autres occasions pour vous parler de musique, partager ce qu'on aime. On n'a pas trop parlé de ce qu'on n'aimait pas, juste un tout petit peu, mais peut-être que les fois d'après, on fera un peu plus. Et lisez Force Parallèle. Voilà. Et Force Parallèle, donc, donne l'adresse, clairement, parce que les gens, des fois, ils ont... C'est sur le portail Nightfall, mais vous tapez Force Parallèle, vous allez tomber directement sur le webzine. Oui. Donc, forceparallèle, tout court, .com ou .freux, je ne sais plus ce que c'est, peu importe. Voilà. Et n'hésitez pas, il y a plein de choses intéressantes, des chroniques de... truc très varié. Ah, il y a en fait tous les genres, c'est-à-dire que moi, tel que vous me voyez, en ce moment, je suis sur Svartidauði, qui est un groupe de black metal islandais, mais j'ai aussi fait Yves Duteil. Ça s'appelle un grand écart facial. Voilà. Sans déchirure, des adducteurs, ce qui est plutôt rare. Ok, merci messieurs, à une prochaine. Bonne soirée, plein de bonnes choses. Au revoir. Tchuss. I'm not afraid of the dark.

We'll be right back.

Réveille-toi, voix claire, écrit simple, filme vite, voyage loin. On est aux portes du monde blanc, proche d'un autre océan, des siècles parlent à l'oreille, dans un brouillage de races et d'empires. L'exception nous expulse loin de soi, comme une poudre toxique venue peindre l'affreuse architecture ordinaire de Santiago. Yeah. restored. In a former life, he was Ron Perlman's gas tank, till he leaked all over the morning. C'est une autre nuit qui passe. On file aux aurores à Valparaiso, voire jusqu'au port où le fondateur Pedro de Saavedra projeta son enfance originelle depuis son bled andalou. On doit être les seuls à se rappeler l'histoire du deuxième Valparadis après le passage de 1000 tempêtes, tremblements de terre et coups d'éclat. Hardcore, I'm so look at me, I'm strong. L'air absolument pur, le bleu magnétique océan, les quais d'embarquement pour le Cap Horn et le Japon, un cargo russe et les cuirassés du port de guerre. On prend l'ascenseur du Tchérobaron, on marche sur les hauteurs peintes en labyrinthe, se pose à l'intérieur d'une cage de verre, la terrasse du café Touri. D'ici, l'on voit tout, la misère, le tour du monde supplicié, le voile horizontal orange des filles perdues à l'Europe, la nature commanditaire murée dans la ville basse et la plus-value vert anglais dans la pénombre des trams. Un ange passe sous les cuivres forgés. Won't die for misery. Fuck off, for your teacher, fuck off, for all they do. Yeah. Les Gallois, les Français descendus d'Uruguay et les Italiens d'après Garibaldi sont venus et repartis. On traverse la première semaine avec un goût de nuit blanche au palais. Le 26 à 16 heures, on décolle de Santiago. Like the queen. Leave Bonjour, William Seward Burroughs est venu distraire l'attention que l'on portait en pure perte à l'immanence du monde. Rien ne se gagne ni ne se perd, rien ne commence ni finit. Can you remember, there was never any doubt. Remember the truth from soul to out. Oh, C'est un matin de moteur et de chimie. Je dois avoir 15 ou 16 ans. J'ai eu cet accident de moto, goût définitif d'odeur d'essence. Bris de verre, du sang coule sur la route, éclaire dans la nuit, sirène. Des étoiles mangent mon cœur. J'entre en contact avec l'œuvre de WSB. We'll be right back. This was where they stood on the day. Wondered did they feel the same way. All the street was now in the shade. Someone said it left the parade. I've been here a while by the stand, waiting for the fire street band. I tried to avoid all the sounds, but the last time I just gave in. And now that I've been through it all, I've decided to live with them. On the marches of the Lilo, wish I was still the Cochran. Chasing the light, wish I was Tony Cochran. Vous êtes toujours calé sur le 100 FM, votre rendez-vous de Lost in Space, rock, punk, musiques expérimentales. On vient de finir à l'instant avec ce projet de Fuzz de Ty Segall, si ma mémoire est bonne. Et c'est l'heure maintenant, pour la dernière partie de Lost in Space, de revenir à de la musique un peu plus bizarroïde. Et on continue notre exploration de ce splendide groupe industriel, Club Moral, ici. C'est une cassette qui s'appelle The Parts. C'est parti pour une bonne heure de musique bruyante.